北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友，你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. 在今天的节目中，我们将一起来学习第19课，看看怎样提出劝告和建议。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 19, conseils et propositions. 在进入新的内容以前，请大家听一段小对话。 Bonjour, Lucie, ça va? Ça va très bien.Tu vas partir en vacances à Shanghai? Oui, je partirai dans 2 semaines. Comment tu veux y aller? J'y vais par le train. Le trajet de Beijing à Shanghai est de 18 heures. Donc je te propose de prendre l'avion. Bon d'accord, c'est plus rapide. 在上面的小对话中，我们复习了一些关于乘坐火车、飞机的表达法。另外，我还建议马克坐飞机去上海。建议这个词用法语说就是 proposer。 Proposer 这个词的用法可以是 proposer de faire quelque chose， 建议做某事。 Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi。 我建议我们改在星期六会面。Reporter 的意思是推迟。 Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi。Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi。 动词 proposer 的名词形式是 proposition。 Ce n'est qu'une proposition. Vous pouvez faire comme vous voulez. 这只是一个建议，您可以按照您的意愿去做。这里 ne que 是一个表示强调的短语，一般放在动词的两侧。 Ce n'est qu'une proposition. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ce n'est qu'une proposition.Vous pouvez faire comme vous voulez. 请大家听下面这个句子，这也是一种劝告或建议。 Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire franchement. 倘若您不喜欢，您可以坦率地说出来。后半句中的 le 是一个中性代词。 Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire franchement. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire franchement. 提出劝告和建议不一定非要用到 proposer 这个词，当我们说我觉得、我认为怎样的同时，实际上也是提出了劝告和建议。 À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il demande. 我认为这件大衣不值他们所开的价钱。À mon avis, 意思就是在我看来。 À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il demande.À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il demande. 表达自己的看法还有两种更常见的方式，一种是 je pense que 后面接一个句子。 Je pense que vous devez rester à la maison ce soir. 我觉得今晚您应该留在家里。 Je pense que vous devez rester à la maison ce soir.Je pense que vous devez rester à la maison ce soir. 另一种是 je crois que 后面接一个句子。 Ça ne me regarde pas, mais je crois que vous devez assister à cette réunion. 这与我无关，但是我认为您应该参加这个会议。这里的 regarder 不是看的意思，而是涉及与谁有关的意思。Ça ne me regarde pas 就是这与我无关。参加会议可以说Assister à une réunion. Ça ne me regarde pas, mais je crois que vous devez assister à cette réunion. Ça ne me regarde pas, mais je crois que vous devez assister à cette réunion. 好，下面我们把刚才的句子连起来读一遍。 Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi. Ce n'est qu'une proposition.Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire franchement. À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il le demande. Je pense que vous devez rester à la maison ce soir. Ça ne me regarde pas.Mais je crois que vous devez assister à cette réunion. 我们再读一遍。 Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi. Ce n'est qu'une proposition. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire franchement. À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il le demande. Je pense que vous devez rester à la maison ce soir. Ça ne me regarde pas.Mais je crois que vous devez assister à cette réunion.现在收听的是法语三百句节目，刚才我们学习了一些关于建议的表达法，其实劝告也是一种建议。 Si vous n'écoutez pas mon conseil, vous regretterez. 如果您不听我的劝告，您会后悔的。请记住听从劝告这个词组 écoutez le conseil. Si vous n'écoutez pas mon conseil, vous regretterez.Si vous n'écoutez pas mon conseil, vous regretterez. 马克，我觉得在生活中提出劝告或者建议最多的那就是父母对孩子了，你说呢？ 可是孩子经常说 Je suis assez grand pour prendre ma décision. 我已经长大了，完全可以自己做决定。 Assez pour 意思就是足够怎样，以至于。 Je suis assez grandPour prendre ma décision. Je suis assez grand pour prendre ma décision. 有的孩子还能听取一些父母和长辈的劝告或建议，有的则完全不听。 Il n'accepte aucun conseil. Vous aurez beau lui dire. 他不听任何劝告，您将白费功夫。Accepter le conseil 和刚才学过的 écouter le conseil 意思一样。都是听取劝告的意思。 Il n'accepte aucun conseil. Vous aurez beau le lui dire. Il n'accepte aucun conseil. Vous aurez beau le lui dire. 名词 conseil 的动词形式是 conseiller. Qu'est-ce que vous me conseillez? 您有什么建议？这个动词的句型是 conseiller quelque chose à quelqu'un， 向某人建议某事。 Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? 下面我们把本课的主要内容复习一下。建议 proposer de faire quelque chose. Je propose de reporter notre rendez-vous à samedi. Conseiller quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que vous me conseillez? Proposition. Ce n'est qu'une proposition. Vous pouvez faire comme vous voulez. 听取建议 écoutez le conseil.Acceptez le conseil. Si vous n'écoutez pas mon conseil, vous regretterez. Il n'accepte aucun conseil. Vous aurez beau le lui dire. 我认为，我觉得。À mon avis, je pense que, je crois que. À mon avis, ce manteau ne vaut pas le prix qu'il demande. Je pense que vous devez rester à la maison ce soir. Ça ne me regarde pas.Mais je crois que vous devez assister à cette réunion. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。最后，我要向您提个问题 ：Qu'est-ce que vous nous conseillez？ 您对我们有什么建议？希望您能告诉我们。好，感谢您的收听，下次节目再见。 Merci de votre attention et à la prochaine fois. Au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. 北京人民广播电台教学广播有线调频九十九点。